con la mejor música para usted. Tu gis les yeux perdus, livide et pitoyable, le corps à demi nu, recouvert d'un drap blanc, ton habit de lumière est jeté lamentable, avili de poussière et maculé de sang. La course continue tandis que tu rends l'âme, tant pis pour le vaincu, il mérite son sort, et le nom du vainqueur que l'assistance acclame, bien plus que la douleur te transperce le corps. Le corps. Tu ne reverras plus les courses enivrantes sous un soleil de plomb à te crever les yeux. Tu ne reverras plus les filles ravissantes debout sur les gradins t'acclamant comme un dieu. Tu n'éprouveras plus ce sentiment étrange fait d'un curieux mélange de peur et de fierté. Quand dans l'arène en feu tu marchais d'un pas noble tandis qu'un passe-noble ponctuait ton entrée. La bête a eu raison de ta fière prestance. Elle a sali ton nom, elle a ruiné ta vie. Ta merveilleuse allure et ta folle arrogance sont tombées dans la sueur et le sable rougi. Tes ongles sont plantés dans le bois de ta couche et seule, abandonnée, tu vois venir la mort. Cette fille d'amour qui te colle à la bouche pour mieux voler tes jours en possédant ton corps. Ton corps. Tu ne reverras plus la chaude Andalousie quand la terre glacée va se jeter sur toi. Tu ne reverras plus ces danseuses en folie, ces chanteurs de flamenque aux pathétiques voix. Une idole se meurt, une autre prend sa place. Tu as perdu la face et soldé ton destin, car la gloire est frivole et quand on la croit nôtre, elle s'offre à un autre et il ne reste rien, non rien, non rien, non rien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens. les musiciens, les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse, tu me blesses, me meurtris, et te joues de moi comme de toutes choses, et dispose de ma vie. Et jour et nuit, parce que tu crois être ma raison d'être, tu fais naître ma douleur. Et bien malgré toi, en tout cas, je le pense, tu dépenses le bonheur qui vit dans mon cœur. Un jour peut venir, demain peut-être, ou bien dans l'avenir, ou qui sait, mon Dieu, le destin viendra pour brouiller les jeux. Tout ce que tu crois être à toi sans réserve, comme un rêve au matin, peut brisant ta loi laisser tes yeux humides et le vide dans tes mains. Parce que tu crois que je suis un esclave, une épave de l'amour, tu puises tes joies et tu forges tes armes dans les larmes sans secours de mon cœur lourd. Parce que tu crois que je fus mis au monde pour que blonde déchaînée, tu me mènes au pas sans faire sacrifice d'un caprice, d'une idée d'enfant gâté. Quand tout sera mort, quand la passion aura quitté mon corps, je me reprendrai et je te quitterai sans un regret. Parce que je crois qu'un jour, dans un sourire, je vais dire que nous deux, c'est fini, tu vois, et qu'enfin il ne reste que le geste de l'adieu. Assez, assez de crever pour toi, assez de pleurer pour toi, assez de souffrir pour toi, je sais que je resterai blessé, le cœur déchiré, marqué quand j'en aurai assez, que je serai lassé quand j'en aurai assez, assez de veiller la nuit, assez de crier la nuit, assez de trembler la nuit, de peur que l'amour que j'ai ne meure brisant à jamais mon cœur. Quand j'en aurai assez, je pourrai t'oublier. Car tu n'as pas compris qu'à travers l'insouciance et les gestes anodins, les mots de tous les jours, les sourires attendris, les pressements de main que je venais t'offrir, l'amour aussi tu m'as détruit en me faisant si mal que je n'ai qu'un espoir, celui de m'évader et de ne plus t'entendre et de ne plus te voir afin de mieux me libérer. Quand j'en aurai assez, assez de me raccrocher, assez de te supplier, assez enfin de t'aimer, je pourrais alors rêver, je pourrais encore bâtir un merveilleux amour un jour pour tout recommencer. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas. Et que l'on ironise devant le clair de lune, pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêves perdus. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on... Dans la boutique du tailleur, tes vieux parents, tes frères, tes sœurs, nous avons tant de peine au cœur. Sarah, Sarah, reviens vers nous. Mamie ne cesse de pleurer, sa grande enfant, son adorée, tu fus toujours sa préférée. Sarah, Sarah, reviens vers nous. De quoi avais-tu donc besoin chez nous? Tu ne manquais de rien. Pourquoi es-tu parti si loin ici? Quel vide tout à coup. Papy commence à être vieux, il a déjà de mauvais yeux. Te sachant là, il irait mieux. Sarah, Sarah, reviens vers nous. Dans la boutique du tailleur, tes vieux parents, tes frères, tes sœurs retrouveront l'ancien bonheur. Sarah, Sarah, si tu reviens. Quand à tabler les soirs d'hiver, lorsqu'un mamie nous serre, nous sentons qu'il manque un couvert. Sarah, Sarah, que c'est le tien. On lit tes lettres d'Amérique, t'as fait un parti magnifique. Alors tes sentiments s'expliquent, tu veux oublier d'où tu viens. Hélène aura bientôt 20 ans, elle s'en ira peut-être avant. On ne vit pas pour ses parents. Sarah, Sarah, je le sais bien. Sois donc heureuse et sans regret, mais ne nous oublie pas tout à fait. Tu as la vie dont tu rêvais. Sarah, Sarah, tant pis.